Au sport, pour le 23 novembre. Au hockey mineur, dans la Ligue simple lettre Hartford-Saint-François. L'équipe novice B des Sharks du Haut-Saint-François reçoit Frontalier 2 de Quaticook à Istingus à 13h30.